vont-ils? Je ne saurai jamais. Les feuilles au vent qui résonnent racontent une histoire qui n'est à personne. Et si je chante, c'est pour ne pas pleurer. Aïe, Dindi, je sais bien. Passe Dindi, lasse Dindi. Aïe, Dindi, si demain tu pars vers d'autres rives et que tu me laisses, Dindi, blesse Dindi, reste Dindi. Sans toi, j'attendais, mais ce soir tu es là, et je sais, oui. Tu m'appelles Dindi, même Dindi, dans tes rêves, Dindi. Oui, je sais, Dindi, maintenant je sais que tu existes. Que tu m'appelles Dindi, même Dindi, dans tes rêves, Dindi, Dindi.